Donc, le 15 octobre 2012, c'est la 25e commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara. Dans ce cadre, pouvez-vous d'abord nous présenter qui était Thomas Sankara et quelles sont les mises en dépendance auxquelles a voulu renoncer son régime lors de la Révolution en 84, afin de saisir l'importance de son combat et la pertinence de son engagement pour l'Afrique? Alors, Thomas Sankara, c'est un jeune capitaine qui, à ce moment-là, est nommé premier ministre dans un gouvernement de transition qui a été, en fait, issu du coup d'État de Jean-Baptiste Ouédraogo. Il est très vite populaire et reconnu, d'abord parce qu'au sein des militaires, il fait partie d'un groupe de militaires radicaux, progressistes, qui prônent un développement de type endogène, et surtout parce que, très vite, à l'issue des premiers mois dans lesquels il s'installe au pouvoir comme Premier ministre, il acquiert une réputation d'intégrité, de célérité dans son travail. Bien sûr, ils ne sont pas encore au pouvoir, mais ses orientations détonnent avec la coalition. Et très rapidement, il rentre en contradiction avec eux, il est arrêté, est enfermé en prison. Et à ce moment-là, il y a une grogne populaire. Et certaines parties de la troupe, avec ses amis, notamment Blaise Compaoré, vont organiser une riposte pour le libérer. Ça a été une sorte de révolution qu'on a appelée la révolution du 4 août. Toujours est-il qu'il revient donc au pouvoir à ce moment, à la tête de mutins radicaux et surtout avec une ferveur populaire, avec un projet qu'on a appelé le document d'orientation populaire, qui était vraiment une coupure avec le style néocolonial des pays de la sous-région. Il faut dire que dans les pays de la sous-région, l'essentiel des régimes sont des formations sociales de type comprador, c'est-à-dire qui ont subordonné le développement de leur pays aux intérêts extérieurs, qui ont un développement de type extraverti, dépendant. Et comme à ce moment, la Haute Volta, comme on l'appelait, était tout simplement une sorte de main-d'œuvre de la Côte d'Ivoire, un pays qui était de moindre importance, on a plus ou moins toléré l'arrivée de ces jeunes très marxisants avec un discours panafricain. Et ça a été peut-être l'erreur de l'impérialisme puisque dans les 3 années qui vont suivre, Thomas Sankara, à la tête de ce mouvement, vont lancer une série de ruptures. D'abord, une réforme agraire, un changement de la condition féminine absolument remarquable par rapport à ce qui existait avant, une réforme du code de la famille, et surtout une redistribution des champs sociaux avec une réduction du train de vie de l'État, à commencer par eux-mêmes comme modèle de probité et d'intégrité. Ils renomment le pays patrie des humains intègres, Burkina Faso. Et à ce moment-là, on rentre dans une situation de confrontation avec les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, la France. On est sous le régime de François Mitterrand. Et très vite, le style détonne, son projet d'autosuffisance alimentaire commence à marcher et on réalise qu'effectivement, la marche d'un développement national et populaire, basé sur un développement aux allures autocentrées, était possible. Et ça, ça va beaucoup, beaucoup déranger les autorités néocoloniales de l'époque, qui vont commencer à comploter. À mesure qu'ils complotent, aussi se raidit le régime en place, les comités de défense de la révolution, qui sont un peu sur le modèle cubain, essayent d'encadrer cette révolution. Il y a beaucoup de ferveur, les jeunes sont enthousiastes, et surtout en raison de la condition féminine et du climat de l'époque. Il faut remettre les choses dans l'époque, c'est la guerre froide, il y a des situations en République du Nicaragua, au Salvador, il y a la déstabilisation en Afrique australe, la lutte contre l'apartheid, donc il y a vraiment un climat très spécial qui fait qu'il a une position internationaliste, et pour ce petit pays pauvre, tout d'un coup, il se retrouve propulsé, il donne la leçon sur les enjeux de la dette, c'est le début des ajustements structurels, il refuse de payer la dette, il fait la leçon aux chefs d'État qui sont plus âgés sur l'armement de l'Afrique, sur le panafricanisme. Bref, il sort complètement du lot, devient populaire et à ce moment-là devient effectivement incontournable et petit à petit tisse les éléments même qui vont permettre le complot qui va le renverser. D'accord. Depuis maintenant 15 ans, vous coordonnez la campagne internationale Justice pour Sankara, un collectif, comme j'ai dit, d'une 20aine d'avocats et de personnalités qui luttent contre l'impunité. Est-ce que c'est possible de rappeler dans quelles conditions vous avez été amené à porter l'affaire Sankara versus contre Compaoré en 2002 devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU, et que s'est-il passé depuis dans les grandes étapes? Alors d'abord, il faut bien sûr revenir sur l'attentat lui-même, c'est-à-dire que Thomas Sankara, au moment donc pratiquement de la fin de sa vie, sent que la pression augmente. Il y a un courant qui se fait appeler le courant de la rectification, qui est intégré par le chef d'État actuel, Blaise Compaoré, avec la Côte d'Ivoire, avec le Sierra Leone de Fodé Sanko et de Charles Taylor, et la France de François Mitterrand. Donc tous ces gens-là, plus ou moins, se coalisent dans ce qui va être un complot. Il est assassiné assez lâchement, d'ailleurs, avec 12 personnes, enterré en catimini, et pendant 10 ans, son certificat de décès mentionne qu'il est mort de mort naturelle. Il y a littéralement un silence total sur les conditions de cet assassinat. Il y a une série d'autres assassinats qui vont se faire, muselage de l'opposition, intimidation, répression, et toujours aucune version donnée à la famille des victimes, aucune explication de pourquoi cet événement a eu lieu pendant pratiquement 10 ans. Et lorsqu'on approche presque 10 ans, là on risque de tomber dans la période de prescription décennale. Et sa veuve, Mariam Sankara, et ses deux enfants ont enfin le courage de porter plainte. Et donc c'est une plainte contre X, d'abord pour écriture administrative, le faux du certificat de décès, et pour l'assassinat de son mari. Se constitue à ce moment un collectif d'avocats, d'abord au niveau embryonnaire, un petit groupe, puis de plus en plus important. On amène l'affaire au niveau du pays, on passe par toutes les instances des tribunaux, on finit par perdre en Cour suprême, d'ailleurs de façon tout à fait ubuesque. Il nous réclame un papier au greffe qui était facultatif alors que les enfants mineurs ne devaient pas le produire. Bref, qui coûte à peu près 5000 francs, c'est-à-dire à peu près 10 dollars. On venait déjà de verser une caution d'un million. Bref, tout cela a été fait pour décourager, et les arguties judiciaires ont fait qu'en Cour suprême, on perd. Et on s'est retrouvé à ce moment-là devant une situation où le droit international ne permet pas de faire des recours. Sauf que la chance qu'on a eue, c'est que le Burkina avait ratifié le pacte international civil et politique aux Nations Unies, en vertu duquel les familles pouvaient déposer une communication. C'est ce qu'on s'est empressé de faire. Le comité des experts a reconnu que c'était recevable, et plus tard, en 2006, va nous donner raison sur un certain nombre de choses que nous réclamions, c'est-à-dire une enquête, une compensation, la désignation du lieu de sépulture, la ratification du certificat de décès. Par contre, dans toutes ces demandes, seules deux étaient vraiment contraignantes, c'est-à-dire la désignation du lieu de sépulture et la compensation, à l'issue desquelles, d'ailleurs, il va y avoir une maladresse des avocats, est-ce qu'elle a été officiellement ou pas, de l'État parti, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un zéro de plus sur la somme de la compensation, de toute façon que nous ne voulions pas. Ce que la loi burkinabé dit est très, très clair. L'ordre de poursuite doit être donné par le procureur et le ministre de la Défense. Le ministre de la Justice, à l'époque, est l'ancien et l'actuel chef de l'État, Blaise Compaoré. Donc tous ces gens-là vont instrumentaliser la justice et empêcher que les choses se fassent. Donc on s'est retrouvé avec une victoire qui était effectivement un précédent contre l'impunité dans tout le continent africain et même aux Nations Unies. Il faut rappeler qu'on a un cortège de martyrs, de Cabral, en passant par Lumumba, etc. Mais par contre, il n'y a jamais eu de précédent de cette ampleur. Très vite, le CERF France-Afrique a essayé de faire tout pour empêcher cela. Et donc, on en est encore à cette situation-là où on a d'ailleurs perdu récemment, au mois de juin, une requête qui était la requête pour séquestration. Un de nos avocats avait introduit, c'était un subterfuge juridique, la tentative de montrer, prouvez-nous que Thomas Sankara n'est pas séquestré dans une de vos prisons, prouvez-nous qu'il n'est pas vivant. On a perdu sur cette chose-là, mais la chose plus importante, c'est qu'il y a presque 2 ans maintenant, on a introduit une requête pour assignation, c'est-à-dire c'est le prélèvement des empreintes génétiques des enfants Sankara et la comparaison avec la présumée tombe principale, celle de Sankara, pour savoir si c'est vraiment la sienne. Et depuis donc plus de 18 mois, l'État parti n'a toujours pas eu à se prononcer là-dessus. Et c'est là que nous sommes actuellement, au moment où nous célébrons ce 25e anniversaire. OK. Aussi, pour illustrer la manière dont le pouvoir burkinabé s'exécute dans cette affaire, dernièrement, le 11 juin 2012, on sait qu'il y a eu une révision constitutionnelle, une loi d'amnistie en faveur des chefs d'État qui octroie à Blaise Compaoré la garantie législative de ne pas être poursuivi à l'issue de sa fonction présidentielle. N'est-ce pas ici une loi d'amnistie qui consacre, encore une fois, l'impunité? En principe, oui. C'est-à-dire, c'est le genre de procédure qu'un chef de l'État qui a bonne conscience ne devrait pas appliquer. C'est donc visiblement une tentative de s'exonérer, de créer une forme d'immunité advenant qu'il ne soit pas réélu. On sait qu'il est en fin de mandat, que c'est une fin de règne. La question de est-ce qu'il peut se faire réélire encore, est-ce que son frère va venir à sa place. Et donc, il sait pertinemment qu'il est comptable devant l'histoire et devant une magistrature qui serait plus intègre. Donc, s'il advenait un jour qu'il y a une alternance politique, il est possible que la magistrature à ce moment-là soit de plus grande intégrité, plus indépendante. À ce moment-là, il sera comptable. Je dois aussi rappeler que dans une période tout à fait récente, on a exhumé le corps de l'ancien chef d'État turc qui était présumé décédé d'un empoisonnement. Et donc, il y a des précédents. Le chef d'État turc est mort en 1993. Donc, il n'y a pas vraiment de prescription pour ces questions-là. Il y a l'affaire Pinochet. Il y a bien d'autres affaires qui montrent que souvent, les chefs d'État essayent de se cacher derrière des formes d'immunité pour les crimes sanglants qu'ils ont commis au nom de la raison d'État. Ici, il s'agissait d'un complot international. L'histoire jugera, mais c'est sûr que dans l'État, il a la capacité de coopter, d'instrumentaliser sa magistrature, et celle-ci a répondu favorablement à sa demande d'immunité. Sur la base où on peut déceler que le politique interfère sur le juridique, que peut-on espérer du droit international à ce jour dans le cas précis? La grande difficulté dans ce genre de dossier, c'est que le droit international est très mal fait. C'est-à-dire d'abord que c'est un droit qui est très peu assorti de devoirs, mais surtout que le problème de l'impunité n'a toujours pas au niveau juridique une instance qui puisse véritablement l'adresser. Il y a eu deux rapporteurs spéciaux, M. Joanet et M. Guisset, sur les enjeux d'impunité. Leur travail a été freiné. Il n'y a pas non plus un tribunal qui puisse vraiment s'atteler à ce genre de cas. Certes, entre-temps, il y a eu le TPI qui s'occupe davantage des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, et qui est d'ailleurs assez controversé, mais il n'y a toujours pas d'instance. Je dois aussi rappeler que c'est les mêmes enjeux d'impunité qui touchent les transactions financières internationales, qui touchent les exactions des firmes multinationales, les assassinats, les guerres. Donc il n'y a toujours pas d'instance qui puisse véritablement être un palier juridique de nouvelles formes de gouvernementabilité juridique. Et comme en l'absence de cela, on est obligé de faire avec ce qu'il y a, et ce qu'il y a, c'est en fait très peu. Il y a un rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, il y a cette commission des droits de l'homme qui a été réformée en comité des droits de l'homme, et qui ne sont pas vraiment des leviers assez contraignants. Hélas, c'est avec ça qu'on est obligé de travailler. Ceci dit, il y a quand même une levée de plus en plus importante d'initiatives. Par exemple, je dois rappeler une initiative citoyenne en France qui vise ainsi, par exemple, à demander une commission d'enquête sur les agissements de la France dans cette affaire, avec une pétition de plus de 10 000 personnes qui demande un soutien aussi à notre campagne. Bref, il y a d'autres initiatives parallèles qui viennent pousser le droit international, essayer de l'amender et le réformer. Merci. Pour conclure, quel appel souhaitez-vous lancer aux gens qui se mobilisent pour cette année à travers le monde pour commémorer l'assassinat de Thomas Sankara? Bon, d'abord, que féliciter et encourager toutes les organisations et associations qui essayent de faire le travail de promotion et de sensibilisation autour de l'œuvre de Thomas Sankara. Je dois signaler que la Fondation Rosa Luxembourg va sortir dans les heures et jours qui viennent un ouvrage sur Thomas Sankara. J'espère que nous allons pouvoir le lancer dans le cadre de notre activité d'ailleurs. Nous avons un événement à Montréal ainsi qu'un autre à Toronto. Celui de Montréal aura lieu le 15 octobre, qui est donc la date historique. Si je peux me permettre, c'est donc au SH3260, au pavillon 200 de Sherbrooke-Ouest. Donc c'est ce 15 octobre à 18h au SH3260. Nous allons projeter quelques extraits d'un film documentaire sur les traces de Thomas Sankara et possiblement donc lancer le livre « Redécouvrir Thomas Sankara, martyr de la liberté ». Ceci dit, la mobilisation continue. C'est vrai qu'il y a eu une sorte d'essoufflement au niveau international, mais en même temps, il y a un engouement incroyable sur Thomas Sankara, qui est devenu une figure iconographique, pas seulement chez les jeunes du rap, mais dans bien des pans de la jeunesse. Et je crois que on a besoin de rallier une portion par la mobilisation, parce que les enjeux qui touchent aujourd'hui les problèmes du développement de l'Afrique ont besoin pas seulement de figures emblématiques, mais de reposer les questions de l'enjeu de l'internationalisme, à quoi ça sert de militer, qu'est-ce que signifie clairement la repolitisation démocratique des masses, quoi faire contre les invasions et la recolonisation du continent, comment faire pour s'assurer véritablement d'une plus grande solidarité de panafricanisme. Et je crois que toutes ces choses, Thomas Sankara les a incarnées, d'où le fait de poser un peu plus un regard solidaire sur son œuvre. Merci, Aziz, d'avoir accepté notre invitation. Aziz Salman Fall est politologue panafricain, membre du GRILA, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Et il a partagé avec nous cette entrevue dans le cadre de la 25e commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara. Je rappelle que vous écoutez Amandla, une émission bilingue d'analyse politique et d'information produite par le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, diffusée à CKUT chaque mercredi 19h au 90,3 FM. Thomas Sankara semble bien avoir péri au cours des affrontements d'hier au Burkina Faso. Sankara qui aurait été...